franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Ingrid Bergman. Jacques Chancel. Nous avons quitté ce matin le soleil de Paris pour retrouver un autre soleil, celui de la Côte d'Azur. Nous sommes en ce moment en direct de Cannes et j'ai la chance d'accueillir à Radioscopie Ingrid Bergman. On a beaucoup écrit sur vous et j'ai retenu cette phrase. Vous allez me dire si elle vous représente véritablement et si elle vous fait plaisir. On disait, parlant d'Ingrid Bergman, c'est le charme, la gaieté, la sérénité de toutes les déesses réunies de l'Olympe. Alors c'est une brassée d'hommage. Est-ce que ça finit par agacer ou au contraire on y est encore sensible? Bon, je crois que c'est un peu exagéré, mais je cherche toujours quand je fais un travail de me mettre dans la peau de ce personnage que je devais faire. Alors cette fois, c'est la présidente de la jury à Cannes. C'est inutile de faire les grandes scènes ou hurler que je ne veux pas voir les photographes ni les journalistes parce que nous avons ici 1500 journalistes. Alors, c'est un peu difficile d'échapper. Reprenons les deux autres termes, le charme. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur ça? Justement, j'attends. Mais je ne sais pas. Vous voulez que je parle de la charme d'une femme? Oui. Mais je ne sais pas comment... Par exemple, on peut parler de charme du femme. Mais lorsqu'on dit charme d'Ingrid Bergman, vous n'êtes pas étonné. Ça, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas étonné. Lorsqu'on dit la gaieté... La gaieté, oui, ça, je le sais, parce que je ris très facilement, comme vous avez entendu. Vous êtes toujours à la une, parce qu'il y a eu récemment encore une reprise du film Casablanca. Oui, je sais. Nous avons revu avec Humphrey Bogart. Puis il y a maintenant cette présidence du Festival de Cannes. Ingrid Bergman, vous avez dit que... Votre carrière cinématographique était suffisante. Alors on peut le comprendre de deux manières. Cela veut dire, elle me suffit, je veux continuer à faire du cinéma, ou autrement, j'ai déjà mon œuvre et je veux plutôt maintenant faire du théâtre. Non, vraiment, c'est comme j'ai lu dans un journal hier, Cary Grant avait dit, c'est pas moi qui a laissé le cinéma, c'est le cinéma qui a laissé moi. Et c'est naturel que je peux pas continuer toute ma vie faire le cinéma. Seulement si j'accepte faire les petits rôles. Et comme j'aime beaucoup amuser les gens, et ça veut dire jouer au théâtre ou au cinéma. Au cinéma, je fais volontiers les petits rôles, mais il faut avoir une valeur. Je ne fais pas un petit rôle qui dit le thé est servi, n'est-ce pas? Il faut avoir quelque chose qui est intéressant. Maintenant, c'est très difficile à trouver ça, et c'est pour ça que vous me voyez moins et moins, et je tourne vers le théâtre, parce qu'une actrice peut durer plus long au théâtre. Vous voulez durer longtemps? Oui, moi j'ai déjà duré longtemps. Donc vous voulez. Oui, parce que ça m'amuse. C'était toute ma vie, était au théâtre ou au cinéma. N'est-ce pas? C'est comme une drogue. Je suis habituée maintenant à jouer. Je me rappelle un jour, vous disiez qu'après 39 ans, l'âge de 39 ans, une femme cessait d'être intéressante. Pour vous les disiez, auteurs. Vous ne disiez pas 40 ans d'ailleurs. Non, c'est toujours 39, n'est-ce pas? C'est ça qui est drôle. 39. Et c'est les auteurs qui n'ont aucun intérêt. Oui, quelqu'un écrit les choses. J'ai vu aussi dans les journaux ici un jeune homme, que je ne me rappelle pas le nom, il a écrit un livre maintenant qui s'appelle Une jeune femme âge 60 ans. Alors j'irai tout de suite acheter le livre, vous comprenez? Parler de la femme de 39 ans, c'est également condamner la femme de 40 ans. Comment? Oui, parce qu'à 40 ans, bof. C'est la même 39 ou 40, mais c'est toujours moins intéressant pour les auteurs. Ils font les histoires de femmes âgées qui est aimée par un jeune garçon, et alors c'est toujours 35 ou quelque chose comme ça, vous comprenez? Vous avez vu beaucoup de films avant de venir à Cannes? Oui, j'ai vu un peu. Je fais la pratique parce que quand même, moi j'ai un goût, comme tout le monde a son goût. Certains films, je n'irai pas voir. Parce que je ne veux pas les voir. Je lis peut-être un article dans son papier où quelqu'un m'a parlé. On dit, oh, tu sais que c'est plein de sang, très brutal, c'est très érotique. Là. Alors, je n'irai pas les voir. Et pour cette raison, je me forçais à aller voir quelques-uns comme ça avant de venir ici parce que j'étais sûre que je ne pouvais pas rester ici sur la banque des juges et couvrir mes yeux tout le temps. On me dit qu'on présente beaucoup de films érotiques à Cannes. Oui, mais je n'ai pas besoin de voir ça parce que je vois seulement... Ce n'est pas votre travail. Non, ce n'est pas mon travail, heureusement. Non, je vois seulement les films en compétition, n'est-ce pas? Et c'est 28 films. Et les autres, quand ils sont autour d'ici, parce que je comprends qu'on a à peu près 400 films et 11 cinémas qui jouent toute la journée et probablement toute la nuit aussi. Alors ça, c'est le grand marché pour ce qu'on veut. Et je ne sais pas, parce que je n'ai pas le temps à aller voir ça. J'ai assez avec mes 28 films. Ingrid Bergman, vous êtes agacée par l'érotisme, par la violence qui envahit un peu le cinéma. Oui, mais par la violence au moins, parce que le reste, je ne sais pas, ça c'est à choisir, n'est-ce pas? Si on veut voir un film comme ça, allons-y, voilà, n'est-ce pas? Mais très souvent maintenant, on parle d'un film qui est très bon et on prend peut-être les enfants ou quelque chose comme ça et tout d'un coup, on a des scènes très, très brutales et très horribles. Je trouve que ça, c'est terrible que nos enfants aient besoin toujours voir ça. Et vous vous rappelez dans le vieux temps, comme moi je faisais le film, vous prenez... Pourquoi dites-vous le vieux temps Parce qu'il y a 25 ans que j'étais à Hollywood. Et par exemple, prenons un film de guerre, comme pour qui sonne le glas. Et vous n'avez pas vu du sang, vous n'avez pas vu les femmes nues. Et pensez qu'est-ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec un film pareil. Maintenant, ça reste comme quelque chose de très joli, très beau, dans la mémoire des gens. Et si vous faites ce film aujourd'hui, je suis sûre que c'est quelque chose d'horrible, que moi-même, je ne veux pas le voir. Alors, comment se fait-il que les choses soient devenues telles? C'est le monde qui est en progrès? Oui, je ne sais pas si on peut dire que progrès, mais c'est progrès, j'espère que ça s'arrête. C'est peut-être de la décadence? Oui, plutôt, je crois. On vous a posé la question l'autre jour, on vous demandait si vous aviez vu le dernier tango à Paris. Vous avez dit oui, vous avez dit je n'ai pas aimé. Oui, je suis allée voir justement parce que j'étais sûre que quand j'arrive ici, les journalistes, la première chose qu'on va me demander, si j'avais vu ça. Alors, si je dis non, je ne peux pas avoir une opinion. Et je préfère voir le film à avoir une opinion. Lorsque vous faites le bilan de votre vie, vous avez toutes les raisons d'être satisfaite, Ingrid Bergman. Oui, j'ai eu de la chance dans la vie. Est-ce que c'est seulement de la chance? Non, on a une chance, et ça c'est déjà beaucoup, parce que beaucoup de monde n'a pas une chance. Et on voudrait bien les aider. Mais alors, j'ai eu de la chance. J'étais très seule et très triste, et très timide quand j'étais un enfant. Mais après le moment que je rentrais à l'école dramatique, ma vie a changé, parce que j'étais tellement effrayée partout. Mais le monde de théâtre, ça c'était un monde qui me... C'était à moi. Alors, je me sentais chez moi. Et dès ce moment-là, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours trouvé à travailler ici en France, au théâtre, cinéma, film, télévision. J'ai jamais eu besoin d'aller chercher un travail. Le travail est toujours tombé dans mes mains. Alors ça, c'est, avec ça, je veux dire, j'ai de la chance. Vous venez de la Suède, vous avez toujours eu envie de faire du théâtre, du cinéma. Oui. C'était une vocation d'enfant? Oui, d'enfant. Je jouais toujours avec les personnages invisibles, les choses que j'ai inventées moi-même, comme enfant, n'est-ce pas? Je ne me rappelle pas d'avoir des poupées, les choses comme ça. Moi, je parlais, je faisais toutes les choses comme ça, avec les gens qui n'existaient pas autour de moi. Et un jour, mon père m'a amené au théâtre. Alors, j'étais très surprise que mes jeux à la maison était ce que faisaient les adultes et étaient même payés pour ça. Alors je disais, c'est ma vie. On peut dire que vous avez fait un vrai départ de carrière en Suède ou c'est plutôt Broadway qui vous a inventé? Non, en Suède. Je travaillais en Suède. Après l'école, je commençais avec le cinéma et je jouais au théâtre deux fois. Et je faisais, je ne me rappelle pas exactement combien de films, 8-9 films, quand le film Intermezzo était vu en Amérique, n'est-ce Broadway, pas? Oui, et alors... Ça, c'était la révélation. Ça. Oui, c'était une le jolie grand histoire. Et alors, ça, c'est ça qui m'a amené en Amérique. Mais j'ai eu peur de parler anglais. Et mon allemand était beaucoup mieux, parce que je parlais de allemand d'enfance déjà. Alors, j'ai accepté une offre qu'on m'a donnée pour aller à Berlin, c'était avant la guerre, je parle maintenant, pour essayer, je voudrais essayer si c'est possible jouer dans une langue qui n'est pas la propre langue à moi. Et j'ai réussi, alors j'ai accepté Amérique. Vous parlez combien de langues? Cinq. Cinq, c'est une chance encore. Oui, c'est une autre chance, mais ça veut dire qu'il faut travailler. Je suis très énergique aussi. Vous êtes consciente de l'importance que vous occupez dans le cinéma. Il faut bien constater qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vedettes comme vous qui sont installées de la même manière. Je crois qu'on fait beaucoup plus confiance maintenant aux metteurs en scène qu'aux comédiens. Oui, vous avez raison. Maintenant, c'est le metteur en scène, son film, il a très souvent écrit le sujet, il dirige, et tout ça. Et ça, c'est très bien. Et je suis sûre qu'on a toujours besoin de bons acteurs. Et on peut trouver un visage, une jolie fille, tout ça. Mais il faut avoir une base pour durer. Et ça, c'est le théâtre, toujours, n'est-ce pas? Vous reviendrez au théâtre? Oui. Vous y revenez, d'ailleurs, à Londres très bientôt. Oui, j'ai travaillé à Londres dernièrement parce que je n'ai rien trouvé à Paris. Cela veut dire qu'on ne vous propose pas de rôle? Non, au moins pas les rôles que je peux accepter. Ils ne sont pas vaut la peine de mettre dans la tête, vous comprenez? C'est un très grand travail pour moi de mettre quelque chose par cœur en français. Alors, ça devait être quelque chose que j'aime. Et je n'ai rien trouvé après Hedda Gabler. Malheureusement, c'est il y a, je me rappelle pas, 8 ans, 9 ans, c'est il y a longtemps. Et pendant ce temps-là, j'étais offerte par Amérique une comédie de Eugene O'Neill et que je jouais à Broadway. Et après, je jouais Turgenev à Londres, une autre pièce, et de nouveau Bernard Shaw à Londres. Et maintenant, je retourne à Londres en septembre pour jouer Somerset Maugham. Après la présentation de Aimez-vous Brahms, c'était d'ailleurs à Cannes, je crois. Oui, c'était à Cannes, c'est la dernière fois que j'étais. C'était en 60 ou 61. Oui, c'est il y a 12 ans. Tout de suite après, il y a eu comme une petite chute, enfin un petit oubli, et vous en avez beaucoup souffert. J'ai souffert. Aimez-vous Brahms? Après, Non, après, on vous a un peu oublié après. C'est-à-dire, je veux dire par là qu'on ne vous a pas proposé les rôles que vous vouliez. Non, mais je ne crois pas. C'est peut-être parce que vous êtes difficile. Non, je suis très difficile. Mais regardez comme c'est bien avoir un standard qui est assez haut. Parce qu'aujourd'hui, tous mes films que je travaillais en Amérique et toutes les choses que je faisais en Italie, qu'à ce temps-là, on disait que c'était terrible, oh, ça ne marche jamais. Aujourd'hui, les films italiens sont vus en télévision, ils sont des chefs-d'œuvre. Mais prenons Stromboli, Voyage en Italie, sont devenus des classiques. Oui, c'est ça. Il faut seulement vivre assez long pour voir que tout change. Tout change. Alors, toutes ces choses que je fais avec une grande prudence. Vous comprenez? C'est pour ça que maintenant, je suis très contente. On continue, au moins en Amérique, on fait voir les films très souvent. Et vous ne savez pas ici en France ce que je fais parce que je travaille dehors, par exemple. Je fais beaucoup de choses à la télévision. Mais mes programmes télévision ne sont pas achetés ici en France. Par exemple, je faisais La Voix humaine, qui est très jolie, de Jean Cocteau. Jean Cocteau. Et alors, je pensais, mais ça, sûrement, les Français veulent voir. Mais non, ils ne montraient aucun intérêt. Ingrid Bergman, dans votre univers, il y a l'épouse, la mère, et puis la femme. Oui. J'oublie la l'actrice. J'oublie un peu par le moment. Alors, est-ce qu'il est difficile de préserver sa vie privée? Parce qu'il fut un temps où vous étiez scandaleuse, rappelez-vous. Oui. Oh, je me rappelle tout bien. Tout ça, pas parce que vous étiez courageuse, parce que vous étiez amoureuse. Oui, je me rappelle bien ce temps-là. Sûr, c'est très difficile, mais maintenant, vous prenez... C'est difficile parce que nous sommes aux premières pages, n'est-ce pas? Si j'ai un accident d'automobile ou quelque chose comme ça, et c'était Madame Jones, elle est quelque part dans le journal, mais on ne le voit pas, mais moi, naturellement, première page. Et ça, c'est pas très bien, mais c'est le, comment on dit, coin en anglais, le monnaie. C'est de l'autre côté de monnaie, n'est-ce pas? Pile face. Oui, on a tellement de choses. Envers de la médaille. Oui, c'est ça, envers la médaille. Nous avons comme acteurs et actrices célébrités, si vous voulez. On a tant de chances pour être bien cueillis, tout ça. Et par exemple, ces deux choses, je suis très contente. Je peux toujours trouver une place au théâtre, même quand le théâtre est plein. Je peux toujours trouver une table dans un restaurant, même si le restaurant est plein. Vous comprenez? Ce sont les deux choses qu'il faut avoir. Mais dehors ça, je ne sais pas. L'autre part est que tout est connu, tout est parlé, et on bavarde, c'est très fatigant. Ingrid Bergman, il y a eu cette période américaine, vous étiez alors mariée, il y a eu chez vous un coup de cœur, et les coups de cœur, il ne faut jamais les oublier. Ah. Vous avez choisi de partir, et l'Amérique vous en a voulu. Ah oui, ce n'était pas de la haine, je crois que c'était trop d'amour. Oui, on m'a dit ça, je ne sais pas si c'est pour me faire contente, je ne sais pas, mais quand même, c'est vrai que c'était une période absolument affreuse dans ma vie. Incroyable. Mais maintenant aussi, si on peut vivre assez long. Je vais vous raconter, peut-être vous le savez déjà, que c'était un sénateur à Washington qui a parlé tellement mal de moi et Roberto Rossellini. C'était quelque chose épouvantable. Et ils ont dit, nous ne pouvons jamais entrer en Amérique, je ne pouvais plus travailler, j'étais une femme complètement, comment on dit, fallen angel. Un ange perdu. D'accord. Alors, maintenant, j'attends, j'arrive avec ma pièce de Bernard Shaw, il y a un an maintenant, à Washington. 23 ans plus tard, un autre sénateur à Washington est là, il fait un discours, et il dit, nous avons honte de ce que Senator Johnson a dit il y a 23 ans. Maintenant, nous sommes honorés, nous sommes contents, et on demande que j'excuse le Sénat d'Amérique. C'est assez bien, hein? J'ai l'impression, Ingrid Bergman, si vous faisiez maintenant ce que vous avez fait il y a quelques années, on ne vous en voudrait pas. C'est parce que les temps ont changé. Oui, mais aujourd'hui, c'est très peu qui fait scandale, n'est-ce pas? Nous sommes habitués à tout. Non, je sais, les jeunes journalistes qui regardent les archives, n'est-ce pas, oui. Avant de me venir interroger. Alors, ils savent tout sur ma vie, sans commencer, où êtes-vous né, les choses comme ça. Ils sont toujours très surpris, que c'était venu un tel scandale, parce qu'aujourd'hui, si on a un enfant et on n'a pas eu le temps de se marier, on se mariait plus tard, et j'étais mariée. Et mon fils est né en février. J'étais mariée trois mois plus tard, mais c'était un grand scandale. Comment considérez-vous le mouvement MLF? Vous êtes passionné par cela ou bien... Ah oui, vous voulez prendre une... Je crois Ingrid Bergman est allée chercher quelque chose. Oui, c'est la cigarette. Vous fumez un peu trop, j'ai l'impression. Non, je fume maintenant parce qu'on est en train de parler, mais... Ça vous gêne? Je peux vous dire que j'ai arrêté. Moi, non, pas du tout. Au contraire, c'est... vous voulez ça un aussi force dans mon jeu de m'arrêter complètement. Ah bien, vous avez bien fait, je suis d'accord. Oui, je vous demandais ce que vous pensiez du MLF. De? Du MLF, Mouvement Libération de la Femme. Ah, elle s'appelle comme ça en France. Ouais. Women's Lib. Ah. Voilà. Qu'est-ce que je pense? J'étais une femme libérée, vous comprenez? C'est très difficile pour moi de me mettre dans les souliers d'une femme qui est dans la cuisine, qui travaille dans la maison, elle a 8 enfants autour d'elle, son mari arrive le soir, fatigué, elle ne peut pas raconter ses problèmes parce qu'il est trop fatigué, il faut faire attention à une chose à l'autre. Et je ne connais pas cette vie. Et aussi, si j'étais une femme qui travaillait dans un grand magasin et à côté d'un homme qui faisait exactement le même travail que moi, et il gagne le double... Et sûrement, moi, je me mettais à marcher dans les rues aussi. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez été ennuyée par le fait de divorcer? Est-ce que le divorce a été un problème pour vous? Non, le divorce n'était pas un problème. C'est les enfants, toujours. Par rapport à vos enfants? Oui, oui, naturellement. Les divorces agacent les enfants. Oui, c'est très difficile. Ils peuvent les agacer. Oui, naturellement, c'est très, très difficile. Et c'est pour ça que les parents, que je dis maintenant, je passais les moments très, très durs, et qu'il faut penser... un peu plus pour les enfants, parce que ça fait rien si le père et la mère ne vivent pas ensemble. Mais les deux doivent être heureux et faire une amitié entre eux pour les enfants, parce que c'est rien que pureté, un enfant plus, que voir maman et papa qui ne sont pas de bons amis. Vous avez combien d'enfants, Ingrid? Quatre enfants. Que font-ils? Trois filles et un fils. Il était ici, d'ailleurs, avec moi. Il est parti hier. Vous voudriez qu'ils aient votre carrière, qu'ils fassent votre carrière? Ah non. Non, aucune de mes enfants fait mon carrière. J'ai une fille qui fait le vôtre. Elle est à la télévision avec les petites questions. Elle fait les interviews aux gens, pas aux acteurs, les gens qui arrivent à New York, n'est-ce pas? Et les autres enfants ne veulent pas du tout faire acteur ou actrice. Vous mentez quelquefois? Je mentais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mensonge. Vous mentez quelquefois? Ah non, je suis incapable parce que je rougis. Et alors, on voit à travers mon visage que c'est pas vrai. Oui, ça peut être un rôle de composition. Non. Non, je trouve que c'est très difficile à mentir parce qu'on se trouve après dans le problème beaucoup plus grave. Mais je suis aussi, comme je... Cette question est... On m'a demandé avant. Et je disais, peut-être je suis aussi stupide parce que c'est pas nécessaire. Toujours dire la vérité, on peut aussi se taire. Votre bonheur, Ingrid Bergman, vous le devez à qui? À votre métier, à vos enfants, à votre mari? À tout, à tout. Tout ça qui est autour de moi. Et quand je parle, parce que vous savez, je parlais beaucoup de moi ces jours ici. Et j'ai un peu honte maintenant. Un c'est peu ennuyeux honte. De parler de soi. Non, mais c'est ça, on se sent un peu embarrassé aussi, parce que vraiment, ça peut aller à la tête. Parce que je continue à parler de moi-même. Mais on me demande de Belgique, de Japon, de Roumanie, d'Italie, d'Amérique, d'Angleterre. Alors, c'est un peu trop. Mais naturellement, pour faire une femme heureuse, c'est tous les gens autour d'elle. Les enfants, les maris, et les amis et le travail. Ce travail de président du Festival de Cannes, vous le faites très consciencieusement. Oui, parce que je trouve que c'est ridicule pas se mettre faire les choses au fond. Parce que si je dis ça, c'est amusant d'affaire. C'est amusant de venir ici parler avec vous. C'est beaucoup plus facile pour moi et pour vous, n'est-ce pas? Si je viens ici, je dis « Oh, que c'est embêtant, oh, encore !» Alors, je m'embête, moi, et je fais un très mauvais programme pour vous. Ce qu'on fait, il faut toujours le faire avec amour. Oui, c'est ça. Quelle idée vous faites-vous de la comédienne? Quoi? La comédienne d'aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'elle est ce qu'était la comédienne hier? Parce qu'en 20 ans, c'est parce que bousculé. Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de monde, n'est-ce pas, qui fait du cinéma. Le théâtre, ça reste toujours à peu près la même chose, mais c'est le cinéma qui est devenu un énorme dragon, n'est-ce pas? Et pour cette raison, tous les jeunes filles, les garçons, trouvent que c'est quand même un métier. On peut gagner beaucoup, mais c'est seulement avec une chance et avec du talent. Sans talent, on peut faire un film ou deux et après c'est fini. Et on a beaucoup plus de monde. Quand j'ai commencé, moi, c'était pas un métier que les parents regardaient avec plaisir. Vous savez, c'était... Vous étiez d'accord, vos parents? Ah, oui, mes parents étaient morts quand j'ai eu 12 ans. Mais mon oncle et ma tante... Et tous les gens autour de moi étaient effrayés. On a trouvé que c'est un métier horrible. Aujourd'hui, c'est une autre chose. Les vrais comédiens, on les voit au cinéma ou on les voit au théâtre? On les voit tous les deux. Parce que, vous voyez, on a des bons acteurs au cinéma, mais combien merveilleuses. Et j'ai vu Valentina Cortese l'autre jour. Je peux parler de ce film, La Nuit Américaine, de Truffaut, parce que... Hors compétition. Oui, c'est hors compétition. Alors là, par exemple, Valentina Cortese fait une performance qui est absolument magnifique. Et je veux dire, qui le sait, peut-être M. Truffaut est dans une voiture, il entend le radio, alors je veux dire bravo François Truffaut, parce que c'est un film merveilleux. Alors Ingrid Bergman, allons un peu plus loin. Si ce film, La Nuit Américaine de François Truffaut, était au palmarès du Festival de Cannes, je veux dire non, à l'affiche du Festival oui, de Cannes, oui. Pour le moment, c'est ce film que vous auriez noté pour le Grand Prix? Je crois que c'est peut-être pas juste à dire. Nous avons beaucoup de films encore à voir, et ce que j'ai vu... Je ne veux pas... Non, c'est mieux que si je ne réponds pas à cette question. Lorsqu'on vous dit Madame la Présidente, ça vous fait plaisir? Oui, je trouve que c'est très drôle. On vous le dit. Ah oui, c'était gentil. On va prendre une pause musicale. Vous avez choisi un disque d'Yves Montand, Du soleil plein la tête. Ah, très bien. Trouvez belle la vie quotidienne, ça peut vous paraître innocent. Mais la joie des autres, c'est la mienne, et ça me rapporte 100%. Ne cherchez pas, c'est à cause de ça que j'ai du soleil plein ma tête. Et du printemps plein mon cœur. Je chante une chansonnette. J'ai de la joie et du bonheur. Et je descends faire un petit tour, et toute la ville m'en met plein la vue. Et en passant, je dis bonjour à tous les copains que je croise dans la rue. Car la vie est vraiment chouette quand on la prend gentiment. Il y a bien de temps en temps des petits embêtements, mais quand ma rue me sourit, alors je suis Pour ceux qui prendraient l'émission maintenant, je rappelle que mon invité aujourd'hui est Ingrid Bergman, madame la présidente du Festival de Cannes, et nous sommes en effet en direct de Cannes. Avez-vous fait des erreurs, Ingrid? Oh, sûr. Les erreurs sont bien, sont belles. Oui, c'est ça les leçons de la vie, n'est-ce pas? Puis sûr que je fais des erreurs, beaucoup, mais... J'espère qu'on devient un peu plus intelligent, mais je ne sais pas. Peut-être on continue à faire des erreurs toute la vie. Les erreurs sont enrichissantes. Régissantes, qu'est-ce que ça veut dire? Enrichissantes. Et qu'est-ce que ça veut elles dire? Elles permettent d'aller plus loin, elles permettent de se retrouver. Elles... Oui, oui, je crois, oui. Et si je vous demandais quelles erreurs vous avez faites? Ah, mais ça, je ne veux pas raconter, alors. je le tiens en cachette. C'était des erreurs, ce que je peux c'était mettre... des erreurs convenables. Convenable. Bah, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question parce que naturellement, tout le monde fait des erreurs. Et, mais je ne veux pas rester ici et raconter tout ça. Mais non, ce sont des expériences, on peut en parler parce que souvent ce sont des expériences qui permettent d'aller plus loin, qui permettent justement de redresser les échecs. Oui, c'est possible. Lorsque vous avez quitté la Suède, vous êtes parti pour les États-Unis, mais je voudrais savoir un peu comment s'est passée votre arrivée en France, la première soirée en France. En France? Je me rappelle même pas. J'ai fait mon premier voyage de noces, c'était pour France. J'étais ici, sur la Côte d'Azur. Et après, quand je retournais en France, c'était la période italienne avec M. Rossellini. Et nous sommes venus très souvent à Paris. Et j'ai commencé à prendre les leçons français à Hollywood, il y a longtemps. Et je devais parler un peu mieux, vraiment. Mais je me rappelle, je suis venue ici pour prendre votre statut, vous savez, celui-là que vous donne pour le cinéma. Oui. De victoire. La victoire du cinéma, oui. Et alors... Enfin, l'Oscar français. Oui, l'Oscar français. Et c'était Jean Cocteau qui était là-haut, l'escalier, vous savez, où est le statut. Et on a eu le garde, tellement beau, j'ai jamais vu une chose pareille. Et je suis venue là, en bas d'escalier, et j'ai rentré pour prendre mon statut. Et Jean Cocteau m'a fait un très long discours avant de me donner le statut. Et vous compreniez? Je rien compris, pas un mot. Mais c'était avant que je travaillais avec mon français. Et c'était très triste. Maintenant, je ne peux jamais savoir ce qu'il m'a dit. Mais Et alors... Lorsque vous étiez enfant... Je ne me rappelle pas exactement, j'ai commencé. Et c'était Madame Popesco qui m'a envoyé deux pièces à lire. Une chatte sur le toit brûlant et thé et sympathie. Et je pensais vraiment qu'elle est devenue folle parce que je dis mon français est pas assez bien. Elle a dit, si moi peux jouer en France, tu peux jouer en France. Alors, je lisais tous les deux, j'ai choisi thé et sympathie, n'est-ce pas? Et alors, j'ai eu un trac terrible. Et nous avons... postponed, qu'est-ce que c'est? Prolonger les représentations? Les répétitions, parce pardon. Que je n'étais pas prête. J'ai eu des difficultés terribles. Finalement, arrive le jour, on ouvre la pièce. Et c'était un succès magnifique. Je me rappelle ce jour-là, c'était quelque chose d'absolument adorable, le public parisien. Maintenant, vous voudriez avoir un rôle dans une pièce à Paris? Non, maintenant j'irai. Oui, je cherchais un peu, mais je n'ai rien trouvé ici. Et maintenant j'irai à Londres de nouveau. Mais vivre en France pour vous, c'était un rêve d'enfant? Oui. Parce qu'il y a quand même cette chevreuse que vous aimez beaucoup. Oui. Nous avons toujours la propriété de chevreuse. Et je crois que c'est l'amour de Jeanne d'Arc qui me fait venir ici. Quand on a des enfants, Ingrid Bergman, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Alors vous ne vous ennuyez jamais? Non, parce que je trouve toujours quelque chose à faire. On a toujours à faire. Et si on a plusieurs maisons et on a un intérêt, si la maison est propre ou non, si on a un intérêt pour les choses autour et aussi pour lire. Vous pourriez abandonner le théâtre, le cinéma pour une vie très privée? Non. Non, je ne trouve pas que rester dans la cuisine est plus amusant que rester devant la caméra ou devant le public. Pour quel rôle êtes-vous faite? Ben ça, je ne sais pas. J'espère pour plusieurs, parce qu'on a beaucoup de côtés. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, n'est-ce pas? Oui, mais enfin, il y a des rôles que vous préférez, sans aucun doute. Non, mais vous savez, j'ai joué beaucoup de choses différentes. Naturellement, au commencement à Hollywood... Et là, on a la tendance de mettre une étiquette sur une personne. Celui-là, c'est le vilain. Celui-là est le bon. Celui-là est celui-là qui est dans l'ascenseur, encore, oui. N'est-ce pas? Parce que le costume est fait pour lui et il joue toujours le garçon dans l'ascenseur. Et moi, j'ai pris tout de suite l'étiquette « bonne fille, bonne famille, très naturelle, absolument honnête et tout ça ». Je jouais Intermezzo et plusieurs films comme ça. Alors, j'étais très fatiguée de ce rôle. Parce que c'était la même chose, je changeais seulement le nom du film. Alors quand nous sommes arrivés à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, justement, on a donné le mot « mauvaise fille », si je me dis « mauvaise », à Lana Turner, et la bonne fille à moi. Et j'ai eu assez, je dis, c'est un metteur en scène, vraiment, pourquoi on change pas rôle? Et il a dit, mais c'est vous pouvez pas. Je dis, mais pourquoi pas, essaye, faisant une petite preuve. Et alors, il m'a pris au studio et nous avons changé de rôle et je jouais l'autre rôle que Lana Turner devait jouer. Et ça s'est très bien marché. Alors, je suis tombée de nouveau, vous savez, avec les rôles que je jouais. Encore une fois, les femmes tristes, les mélodrames, j'ai perdu mon amour, quelque chose comme ça. Et toutes les femmes au public pleuraient. Alors j'ai essayé encore une fois de jouer une femme qui n'était pas tellement gentille et triste. Et c'était Saratoga Trunk. C'était un film avec une femme avec une grande vengeance. Et c'était comique. Et je luttais toujours contre. Et finalement, je suis arrivée, par exemple, à Fleur de Cactus. Et je ne crois pas que le film a très bien marché ici, mais ça marchait très, très bien partout dans le monde. Et tout le monde était très surprise que je pouvais faire rire. Un public. On me pensait seulement triste. Et vous êtes drôle. Oui, je ne sais pas. Mes enfants trouvent que je suis drôle. Vous êtes passionnée, Ingrid Bergman, et vous avez toujours suivi les élans de votre cœur. Vous avez rarement suivi la voie de la sagesse. Et c'est non, bien. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais c'est bien. Oui. C'est bien, vous dites. Ah, ben, le principal, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Il faut avoir un certain contrôle aussi, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il faut suivre tout de suite ce qu'on sent, il faut penser un peu. Il y a chez vous de la générosité. Est-ce que les gens ont été bienveillants avec vous? Est-ce qu'ils ont été gentils? Bon, il y a eu cette période qui a été dure. Oui, oh mon Dieu, combien d'amis j'ai. Vous savez que j'ai une gratitude pour ça qui est infinie, parce que j'ai des amis... qui m'a tenue et m'a aidée. Et le moment en Suède, Amérique, Italie, France, Angleterre, c'est incroyable. Et ça, c'est là, vraiment une chose très belle. Enfin, vous aimez bien à aimer, mais vous tenez à ce que l'on vous rende cet amour. Vous ça, aimez, je n'ai pas compris. Vous aimez que l'on vous aime. Oui, oui, sûr. Que je ne crois pas que j'ai... Ah, je comprends ce que vous dites. On a les gens qui disent « je m'en fous ouais. ». N'est-ce pas? Alors, ça, non. Je dis... Je préfère d'être gentil. Je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas faire un sourire au lieu d'être fâché. Et peut-être, je ne sais pas si c'est un désir d'être aimé, c'est un désir d'être gentil, parce que moi, je suis très contente si les gens sont gentils avec moi. Alors pourquoi pas? Pourquoi je ne devais pas être gentille avec eux? Si vous étiez critique de cinéma et si vous deviez faire un papier sur Ingrid Bergman, sa carrière et sa vie, oui. Qu'est-ce que vous diriez? Vous qui vous connaissez bien. Oui, mais j'ai aussi mes limites. Hein. Je sais que je peux me fâcher très facilement. Non, facilement, non, mais je me fâche. Les gens croient que je suis tellement calme et sereine, comme vous avez dit. Grande dame, tranquille. Oui, c'est parce que maintenant, j'ai horreur des gens qui hurlent et disent les mauvais mots et fait les scènes. Je ne peux pas les supporter. Alors, c'est pour ça que même si quelquefois je me trouve dans une situation que je n'aime pas, j'irai à la maison pour jeter quelque chose au mur. Ingrid Bergman, vous jouez bien la comédie, mais est-ce que vous jouez également bien la comédie dans la vie? C'est-à-dire, est-ce que vous la jouez à vous-même? Non, non, je suis comme ça. C'est très souvent, les gens croient que c'est une prétention. Je joue d'être gentil. Je joue pas. Je suis gentille. À un certain moment, vous auriez eu toutes les raisons d'en vouloir à l'Amérique et à certaines personnes, mais je crois que vous n'avez jamais eu de haine. D'ailleurs, on ne peut pas vivre avec de la rage au cœur. Non, moi, je ne peux pas, non. J'ai une très mauvaise mémoire. C'est ça qui est merveilleux. Ah, ça vous sauve, alors. Oui, oui, oui. Je ne me rappelle jamais pourquoi j'étais fâchée avec une personne. Je l'ai déjà oublié. Vous avez choisi un deuxième disque. Ce disque, c'est « Mourir pour des idées » de Georges Brassens. C'est un disque politique. Ah oui, merci. Parce que la politique vous intéresse, vous passionne, pas vous accroche. Pas du tout. Mais mourir pour des idées, il y a une idée politique, là. Oui, oui, oui, alors, on va écouter. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent, d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire. C'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. des idées réclamant le fameux sacrifice. Les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices. Mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ingrid Bergman, vous me dites, parfois c'est difficile à comprendre lorsqu'on parle avec des Français, c'est une question de langue, mais j'ai l'impression que lorsque vous voulez éviter une question, vous faites comme si vous ne l'aviez pas comprise. Ah oui. Quelle langue parlez-vous avec vos enfants? Italien et anglais avec ma grande fille, naturellement. Elle est en Amérique, elle est italien, suédois avec mon mari, et français autour comme ça, et c'est un mélange. Vous voyez, c'est un mélange en français aussi. Comment se fait-il que vous ayez été tellement attiré par Jeanne d'Arc? C'était comme toutes les jeunes filles, comme ça, à l'école. Elle a eu 18 ans, elle est morte pour sa patrie, n'est-ce pas? C'est toujours très touchant. Et comme je voudrais être actrice, naturellement, je pensais comme je pouvais jouer bien ces scènes-là. Vous avez été comblée de ce côté-là, alors? Oui, et j'ai attendu beaucoup. Et j'ai essayé à Hollywood, vous savez, très long avant que Maxwell Anderson a écrit sa pièce Joan of Lorraine, il s'appelait sa pièce. Et aucun producteur a eu un intérêt parce que c'était une histoire sans amour. C'était un amour pour Dieu, mais c'était pas assez pour Hollywood. Et quand j'ai reçu la pièce de Maxwell Anderson, je suis partie tout de suite pour Broadway, et après que je fais la pièce, qui était un grand succès. Il y a eu le film. Nous avons fait le film, et après l'opéra. L'opéra, Jean Aubuchet aussi, de Claude Claudel, Honegger. Et ça, j'ai fait un grand tour en Europe, et je le jouais en 4 langues. Et j'étais en Suède, en Angleterre, en Espagne, à Paris, à l'Opéra. En fait, vous avez toujours fait ce que vous aimiez, et ce que oui. Vous vouliez surtout. Oui, heureusement, oui. Et vous avez joué avec les plus grands acteurs, Gary Cooper, Bing Crosby, Cary Grant, pour parler de grands noms. Et il n'est pas possible de faire de choix, parce que de toute manière, c'est la question stupide avec quel acteur. Oui, et je ne réponds jamais à ça. Et à un certain moment, vous avez représenté la femme idéale. Alors aujourd'hui, s'il fallait parler d'une femme idéale, on dirait qui? Ça serait difficile. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a un idéal. Il y a un type de femme, si, il n'y a pas... Oui, je ne sais pas qui est-ce. Vous pensez que le type de la femme a changé? Oui, ils sont beaucoup plus ouvertes. Et je vois mes filles, par exemple, ils sont aussi beaucoup plus ils connaissent les beaucoup choses. Beaucoup plus libres aussi. Oui, libres, mais aussi beaucoup plus informés. Remarquez, libre, vous l'avez toujours été, vous, Ingrid Bergman. Oui, ça c'est vrai. Mais ils sont beaucoup mieux informés que moi. Les journaux, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai jamais regardé les journaux. Mes enfants ont toujours les journaux. Et aussi, c'est, naturellement, c'est beaucoup de la télévision qui fait une éducation formidable. Alors, ils sont très bien informés. Il y a quelques bruits dans l'eau, mais il ne faut pas s'étonner. Oui, non, je crois bien, avec tout ce monde qu'on a à Cannes. Dans quel pays aimez-vous rester? Parce qu'il y a l'Italie, il y a la France, ah, mais il y a je suis très contente maintenant, parce que je me sens à la maison, à New York, et Londres, Paris et Rome. Et alors, je fais toujours le voyage, et une petite boutique ici, une autre chose là, et alors j'amène mes choses, je fais réparer ici, je prends ça là. C'est comme vivre, comme les voyages sont devenus si faciles. Oui, mais on sait où on va terminer sa vie. Alors, ce sera quel pays? Ah, ça, je ne sais pas. Vous n'avez pas choisi? Non. Vous avez dit, Ingrid Bergman, je m'éloigne du cinéma, je me rapproche des scènes de théâtre. Là, on peut mieux tricher avec son âge. Oui. Au théâtre, on peut mieux tricher. Oui, parce que le public qui va au théâtre, avant tout, on ne voit pas les gros plans, n'est-ce pas? Et aussi, c'est un public qui vient pour voir une actrice qu'on a aimée peut-être quand elle était jeune, même si elle triche un peu sur la scène. Elle joue une femme de 35 ans, et tout le monde sait très bien qu'elle a 50, et ça fait rien pour ce public, parce qu'on se rappelle qu'est-ce qu'elle était. L'âge n'a aucune importance. Mais naturellement, au cinéma, les gros plans, on ne peut rien faire, on voit l'âge. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus facile le théâtre. Ingrid Bergman, le cinéma a conservé quelques chefs-d'œuvre et vous l'avez de la chance parce que le public aime à retrouver les émotions d'autrefois. Donc on aimera toujours à retrouver vos films. Et lorsque vous faites un choix dans toute votre carrière, quel est le film que vous retenez? Même question. Oui, c'est une question. Film, c'est plus facile, normalement. Oui, mais je dis toujours Jeanne d'Arc, justement pour cette raison que j'ai tellement aimé et a eu des difficultés très grandes pour faire ce film-là. Et alors, quand on me demande, mais vous savez, c'est très difficile à choisir parce que j'ai choisi tous mes rôles parce que je les aimais. Et je fais le film en pensant qu'on était en train de faire un très bon film. Après, c'était les films qui ne sont pas toujours très bien. Et un film, par exemple, que je fais dernièrement, Un promenade dans la pluie de printemps, et même pas arrivé à Paris parce qu'on a trouvé que c'était mal marché en Amérique et c'est pas vaut la peine de faire venir ici. C'est triste, je suis très triste pour ça. Ingrid Bergman, je vais, hélas, vous quitter parce que c'est vous qui me quittez. Vous avez encore beaucoup d'occupations. Je voudrais vous poser une dernière question. Que préférez-vous? Être apprécié pour ce que vous êtes devenu ou alors être aimé pour ce que vous avez été? J'espère que c'est aucune différence entre les deux. C'est la même personne, n'est-ce pas? Merci Ingrid Bergman. Merci à vous.